Ça, c'est le cortège solidaire éducation qui a une pêche d'enfer et qui avait déjà des super chants à la dernière manif. Tu veux dire deux mots sur pourquoi vous êtes là ? Oui, bah pourquoi ? Alors, moi, je suis enseignante. On est là parce qu'il est hors de question qu'on lâche quoi que ce soit. Ils sont en face, soi-disant déterminés, mais nous aussi, plus que tout, parce qu'en fait, on a tout à y perdre. Et qu'en fait, on a déjà gagné le fait de relever la tête, d'être conscient de notre force. Et quoi qu'il se passe, de toute façon, on lâchera pas et on regagnera tout ce qu'on a perdu depuis longtemps. Ouais. C'est quoi ton prénom déjà ? Clara. Merci beaucoup, Clara. Tous ceux qu'ils ont, ils l'ont volé. Ils l'ont volé ! Partage du temps de travail, partage des richesses. Ou alors ça va péter, ça va péter, tout est à nous, tout est à nous, il y en est à eux, il y en est à eux, tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé, ils l'ont volé, partage du temps de travail, partage des richesses, ou alors ça va péter, ça va péter, ça va péter, ça va péter, ça va péter.